13h23 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Décembre 1969, à 16h37, une bombe éclate dans la grande salle de la Banque de l'Agriculture à Milan. Il y a foule, c'est un véritable carnage. La salle est complètement dévastée, 18 personnes sont tuées, 90 autres sont blessées. La charge, composée d'une dizaine de kilos de dynamite, avait été placée dans une valise. Ce spectaculaire attentat marque le commencement de ce qu'on va appeler en Italie les années de plomb. Bombes, fusillades, assassinats, enlèvements, le pays tout entier plonge peu à peu dans la violence. Mais qui se trouve véritablement derrière les initiateurs de cette stratégie de la tension qui va empoisonner les années 70 en Italie? L'extrême gauche ou l'extrême droite? Ou les deux, étroitement imbriqués dans une politique de la terreur qui vise d'abord à détruire la démocratie italienne, empêtrée dans une vague de scandales successifs et gangrenée par la mafia. Monsieur X m'a souvent parlé d'Italie qu'il connaît intimement et où il compte beaucoup d'amis. Nous y revenons aujourd'hui à propos d'une affaire toujours mystérieuse et toujours inexpliquée, la mort de l'éditeur Feltrinelli en 1972, au cours, semble-t-il, de la préparation d'un attentat à l'explosif. La personnalité de Feltrinelli, sa fortune, ses amitiés pour les dirigeants des mouvements révolutionnaires internationaux intriguent. Nous y revenons dans un instant. Mais auparavant, il n'est pas inutile d'examiner ce qui s'est passé après ce premier attentat de Milan en 1969. L'émotion est intense. Les obsèques des victimes sont célébrées dans la cathédrale de Milan, en présence des plus hautes autorités de l'État et des représentants de tous les partis politiques. Très vite, un anarchiste, le cheminot Giuseppe Pinelli, est arrêté. Mais, au cours d'un interrogatoire, il se jette par une fenêtre de la questure et meurt à l'hôpital. Suicide, ses amis accusent la police de l'avoir tué. Peu après, un autre militant d'extrême-gauche est appréhendé. Pietro Valpreda est présenté comme le coupable numéro un. Mais lorsque son procès commence, en 1972, on s'aperçoit bien vite que l'accusation est incapable d'apporter la preuve de sa culpabilité. Son inculpation paraît d'autant plus improbable qu'au début mars de cette même année, la police interpelle trois militants d'extrême droite, soupçonnés eux aussi d'avoir perpétré l'attentat contre la Banque de l'Agriculture. Quelques jours plus tard, on retrouvera le corps déchiqueté de l'éditeur Feltrinelli, au pied d'un pylône électrique dans la banlieue de Milan. Quant à Valpreda, il sera finalement libéré à la fin de l'année 1972. Monsieur X pense que tous ces événements sont liés. Non, rendez-vous avec X. J'aime l'Italie passionnément, je crois vous l'avoir déjà dit, mais je pense que ce pays commence tout juste là maintenant à se libérer de ses démons. Vous voulez parler du fascisme? Bien sûr. On enlève la tumeur, mais ça n'empêche pas les métastases de continuer à se développer. Enfin, les métastases, mais aussi une certaine fascination pour la violence. On dit, par exemple, que les mouvements terroristes des années 70 étaient nés de mai 68. D'accord. Mais pourquoi ont-ils été aussi violents et aussi radicaux en Italie, en Allemagne et pas en France? On peut peut-être se poser la question, non? Oui, admettons. Hein. D'ailleurs, c'est un vieux débat, mais il faudrait quand même qu'on en revienne à ce qui nous occupe aujourd'hui, l'affaire Feltrinelli. Pardonnez-moi de m'égarer, Feltrinelli, donc... Un personnage assez extraordinaire. Vous savez comment on l'a appelé, l'un de vos confrères? Non. Le comte de Thiers Rouge. Et même si l'on fait la part de l'exagération journalistique, ce n'est pas si mal vu que cela. Alors parlez-moi de lui, de ce comte de Thiers, là, de son parcours. Bien volontiers. Gian Giacomo Feltrinelli est né coiffé. C'est-à-dire? Sa famille était richissime. Son père, Carlo, avait amassé une immense fortune. Songez qu'à sa mort en 1936, on l'a évalué à 600 millions de dollars de l'époque. Et que faisait ce millionnaire en dollars, hein? Carlo Feltrinelli s'était d'abord enrichi dans le commerce du bois. Puis il a fondé une banque, créé une compagnie d'électricité, acheté des dons dans le monde entier. Et tout ça, c'était sous Mussolini? Oui, oui. Et quels étaient ses rapports avec le Duce? Naturellement très bon. Pourquoi naturellement? On ne construit pas un empire financier de cette taille en se fâchant avec le pouvoir. Donc Carlo Feltrinelli était un partisan du dictateur. Et c'est même dans une villa appartenant Feltrinelli, au bord du lac de Garde, que Mussolini trouvera refuge. Son dernier refuge. Mmh. Et le jeune Gian Giacomo, est-ce qu'il partage les idées paternelles? Non. Lui, très vite, il penche à gauche. Et il fait même partie d'un corps de partisans antifascistes de la fin de la guerre. Ce qui doit faire plaisir à la famille. Le père est mort, je vous le rappelle. Quant à la mère, elle ne doit guère apprécier, mais d'un autre côté, ce n'est jamais tout à fait inutile d'avoir un fils dans le camp des vainqueurs. Oui, c'est vrai que ça peut éviter des ennuis. Évidemment, surtout que la veuve de Carlo Feltrinelli, mondaine, mais femme à poigne portant monocle, avait tout pour se faire remarquer. Monocle, ça c'est original. N'est-ce pas? Ouais. Feltrinelli, vous l'avez dit... penche à gauche, hein, mais il s'engage... Très vite, oui. Dès la fin de la guerre, il s'inscrit au Parti Socialiste, où il trouve d'ailleurs sa première femme. Mais en 1948, lors de la scission du parti, il choisit de partir avec les communistes. Un communiste millionnaire, parce que j'imagine qu'il a hérité une partie de la fortune paternelle. Bien sûr. Et comment est-il vu par ses camarades de parti? Au départ, c'est évident, on se méfie. Mais d'un autre côté, cette fortune, ça peut aider. À financer le parti. Par exemple, ou en trouvant des activités susceptibles de lui procurer des subsides. Mais lui-même, Feltrinelli, est-ce qu'il se contente de vivre de ses rentes? Pas du tout. C'est un type entreprenant, cultivé, malin, et assez vite, toujours en harmonie avec son idéal politique, il crée une coopérative d'édition. Ce sera le point de départ de sa fabuleuse réussite. Mmh. Au départ, là, cette coopérative publie donc des textes politiques. Oui, dans le style œuvre complète de Marx, Lénine et Engels. Oui, c'est pas avec ça qu'on fait fortune. Hein. Mais rapidement, Feltrinelli va devenir un grand éditeur. Il publie d'abord une biographie du Pandinéru, puis grâce à sa première femme... Sa première femme, il y en aura combien? 4. Notez que ces femmes, avec lesquelles il restera d'ailleurs toujours en bon terme, vont travailler avec lui et seront souvent d'excellentes conseillères. Je vous le disais, c'était sa première femme, donc il lui rapporte le manuscrit qui va être à l'origine de son succès, de sa réputation. Mais de quel ouvrage s'agit-il, hein? Du docteur Givago de Boris Pasternak. Un joli coup à faire. Hein? D'autant que Feltrinelli a acquis les droits mondiaux. Attendez, Pasternak n'était pas en odeur de sainteté en URSS. C'est juste, le régime soviétique en a fait un pestiféré. C'est pourquoi il va être publié à l'étranger et non pas chez lui, où ses œuvres sont interdites. Hein. Oui, mais Feltrinelli est communiste. Et le parti apprécie peu. Mais Feltrinelli n'en a cure, car il a déjà décidé de rompre. Il faut dire que c'est en 1957 que le docteur Givago est publié en Italie. Un an plus tôt, il y a eu les événements de Hongrie. Et Feltrinelli déjà s'est éloigné des communistes. Tout en restant de gauche? Naturellement. L'apparition du livre de Pasternak, vous le savez, est un énorme succès mondial. Un an plus tard, en 1958, au moment même où Pasternak va obtenir le prix Nobel de littérature, Feltrinelli récidive. Et avec quel auteur cette fois-ci? Lampedusa. Le guépard. Oui, figurez-vous qu'aucun éditeur italien n'a voulu de ce manuscrit. Feltrinelli, conseillé cette fois par sa seconde femme, a eu plus de flair que d'autres et c'est encore un formidable succès. Ouais. Alors là, il est lancé en tant qu'éditeur. Tout à fait. Et Gian Giacomo Feltrinelli va désormais publier les plus grands écrivains du monde entier et surtout ceux qui sont des contestataires. Ouais. Et Feltrinelli n'a donc pas renoncé à être un militant? Non, non, non. Quand il édite Ginsberg, Grasse, Miller, Tasca, Marcuse ou plus tard Régis Debray par exemple, il veut à l'évidence se conduire en politique. Pour vous donner une comparaison, c'est un peu, mais à une échelle beaucoup plus considérable, le Maspero italien. Et d'ailleurs, il va personnellement s'impliquer de plus en plus. Ouais, c'est-à-dire s'impliquer? Éditeur de tous les écrivains de gauche et même d'extrême gauche, il paye de sa personne. Au moment du procès de Régis Debray, il se rend en Bolivie pour le soutenir. Il rencontre Fidel Castro, il s'enthousiasme pour Guevara, dont il éditera le journal. Et quand vient mai 68, il manifeste aux côtés du leader étudiant allemand Rudi Dutschke. Est-ce que pour autant, cet enthousiasme révolutionnaire débouche sur un engagement réel? Vous voulez dire un engagement révolutionnaire? Ah oui. C'est la grande question. Jusqu'où est allé Feltrinelli? Financier de la révolution, a-t-il lui-même mis la main à la pâte? C'est bien ce que vous demandez. Ah, tout à fait, oui. Eh bien, la réponse n'est pas aisée. Feltrinelli est fasciné par les révolutionnaires, il les fréquente, il leur donne même de l'argent, mais jusque-là, c'est du gauchisme mondain. Ouais, une sorte de snobisme. Si vous voulez, mais cet homme connu, ce milliardaire, est devenu une sorte de porte-drapeau. Et il est certain qu'on essaie de le mouiller. Le mouiller, que voulez-vous dire? Si on arrivait à le forcer à participer à des activités clandestines, Feltrinelli n'aurait plus grand-chose à refuser à ses amis gauchistes. Vous commencez à comprendre? Oui, mais c'est pas vraiment une réponse. Oui ou non, s'est-il mouillé, comme vous dites? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous raconter une petite histoire. En 1971, le consul bolivien à Hambourg est assassiné. On retrouve une arme près du corps, un Colt Cobra calibre 38. La police allemande enquête et parvient à établir que cette arme a été achetée en 1968 par Gian Giacomo Feltrinelli lui-même. Vous commencez à y voir plus clair? De nombreux journalistes ou historiens se sont intéressés à l'étrange personnalité de Feltrinelli. Parmi eux, Jacques Delaunay. Dans un ouvrage consacré aux morts mystérieuses de l'histoire contemporaine, il écrit ceci à propos des activités politiques de l'éditeur. Il assume la responsabilité de la publication de la revue Tricontinentale et offre l'hospitalité à Rudi Dutschke, blessé, dans son château d'Oberhof. Omniprésent, mais insaisissable, il reçoit périodiquement ses collaborateurs de Milan dans le restaurant de l'aéroport de Zurich, où il tient ses comités de direction. C'est là qu'il décide de cristalliser dans un grand mouvement révolutionnaire, Falce et Matello, Fossi et Marteau, les actions de tous les gauchistes, trotskistes et anarchistes, spontanéistes et maoïstes, pro-chinois et autres. Mais ces initiatives ont quelque chose de dérisoire. Exemple, les autocollants « Faites l'amour et pas la guerre » ou « Un vaporisateur arrosé de noir tous les policiers ». Initiative dérisoire mais hautement commerciale. Et un jour, on le voit apparaître dans Vogue, habillé en docteur Jivago avec un manteau d'Oslo. Le reste du temps, il se promène en tenue de combat, comme ses idoles Castro et Guevara. Mais dans les salons, pas dans la Syrah. Dilettante ou snob, chacun se pose la question. Et en 1969, Tricontinental publie un manuel contenant la recette de fabrication d'un cocktail Molotov saisi par la police. Alors, Feltrinelli était-il un vrai snob, mais un faux révolutionnaire de salon, ou un vrai militant? Lorsque j'ai interrompu M. X, il me parlait de cette arme appartenant à Feltrinelli, retrouvée près d'un diplomate bolivien assassiné à Hambourg. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'arme? Ça me paraît évident. Comme je vous le laissais entendre, on a voulu mouiller Feltrinelli. Oui, mais qui alors? Ses amis, hein? Non, ceux-là ou d'autres. Feltrinelli était un personnage gênant, il le savait si bien qu'à partir de 1969, il a préféré quitter l'Italie et vivre à l'étranger. Alors, vous laissez donc entendre qu'il aurait pu être victime d'une manipulation? Franchement, je ne sais pas. Mais vous imaginez cet homme plutôt pacifique, cet intellectuel allant assassiner un consul bolivien? Et pourquoi laisser son revolver près du cadavre? Un revolver qu'il a lui-même acheté? Non, c'est vraiment pas très sérieux, tout ça. Ouais. Ben, je reviens à ma question, alors qui? D'accord. Mettons les points sur les i. Il est tentant de penser que les gauchistes, palestiniens ou autres tiers-mondistes qu'il fréquentait ont voulu le compromettre. Pour s'assurer de sa fidélité. En quelque sorte. Ouais. Le procédé n'est pas très élégant, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ce genre d'affaires, on a vu d'autres. Je crois que vous l'avoir déjà maintes fois démontré. Mais je crois que la vérité est tout autre. Et elle explique bien la suite des événements. Des gens avaient décidé de se débarrasser de l'éditeur. Et en se débrouillant pour l'accuser, en l'obligeant à entrer malgré lui dans la clandestinité, on en faisait un homme à abattre. Et c'est bien ce qui finira par arriver. Oui, mais pure supposition, si je comprends bien. Non, non, c'est vrai, je n'ai pas de preuves, mais il existe quand même un faisceau d'informations très troublante. Dans ces années-là, c'est-à-dire au début des années 70, Feltrinelli, c'est le diable. On le voit partout, il est derrière tous les mouvements terroristes, derrière tous les attentats. Ah, mais c'est peut-être la vérité. Non, trop, c'est trop. Imaginez qu'on a même prétendu que l'éditeur voulait installer un maquis révolutionnaire en Sardaigne. Le Che Guevara sardo. Oui, c'est à peu près ça. Et faire de la Sardaigne un nouveau Cuba, enfin, c'est bien mal connaître la géographie de l'île. Ouais. Je veux bien qu'on ait exagéré, mais Feltrinelli, c'est tout de même pas un petit saint. Non, je n'ai jamais dit le contraire. Feltrinelli, c'est certain, fréquentait de vrais militants révolutionnaires. Des gens qui, eux, étaient capables de passer à l'action et de fomenter les attentats. Ouais, les membres des futures brigades rouges. Entre autres, oui, mais Feltrinelli était d'abord un éditeur. Ouais, mais le romantisme révolutionnaire de ces années-là aurait pu le pousser à aller plus loin, beaucoup plus loin. Et peut-être est-il allé plus loin. Vous voyez que je suis très prudent. Mais Feltrinelli, en aucune façon, n'était le patron occulte des terroristes italiens. Admettons. Alors pourquoi est-il entré dans la clandestinité? À cause de cette affaire de revolver? Non, non, ça c'est arrivé plus tard, en 1971. Et Feltrinelli a plongé dans l'ombre bien plus tôt, à la suite de l'attentat de Milan. Mais ça c'est un attentat dans une banque. Qui a fait beaucoup de victimes, oui. Tout de suite, les milieux d'extrême-gauche sont montrés du doigt. Une précipitation qui vous paraît, suspecte? Bien entendu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Oui, on a arrêté un anarchiste qui s'est curieusement suicidé au cours de son interrogatoire. Oui, ce type Pinelli s'est jeté par la fenêtre. On l'a jeté. Exactement, et après cet événement dramatique, on arrêtera un autre anarchiste, Valpreda, qui finira au bout de plusieurs années de détention par être reconnu innocent. Mais il faut dire que derrière tout cela, il y a un étrange personnage. Yes. Un certain Calabresi, un commissaire de police du style Playboy qui se piquait aussi de journalisme, et qui, à l'occasion, collaborait aussi avec les services secrets. Ouais, un flic pas tout à fait ordinaire. Oui, un grand manipulateur, qui s'est d'ailleurs spécialisé dans la lutte contre l'extrême-gauche. C'est lui, tout de suite après l'attentat de Milan, qui affirme que Pinelli en est l'instigateur. Pinelli est aussi ce fou de Valpreda, comme il le dit immédiatement. Et c'est aussi lui, 2 heures seulement après l'explosion de la bombe, qui arrête l'anarchiste Pinelli. Un record de vitesse. Exactement, mais c'est aussi de son bureau que Pinelli sautera par la fenêtre. Plus tard, c'est encore lui qui arrêtera Valpreda, et c'est lui qui se trouvera parmi les premiers policiers sur les lieux où sera trouvé le cadavre déchiqueté de Feltrinelli en 1972. Calabresi est donc toujours en première ligne. Oui, c'est d'autant plus important qu'on apprendra peu après que l'attentat de Milan avait été en fait fomenté par des néofascistes et non pas par des gauchistes. En effet, on s'aperçoit alors pour la première fois qu'il existe d'étranges passerelles entre les gauchistes et les fascistes. D'étranges passerelles, c'est-à-dire ? Eh bien, on s'aperçoit que tel qui était membre d'une organisation de la droite extrême passe soudain dans l'autre camp. Bizarre, non ? Un journaliste, Jean Duflo, a publié un livre sur Feltrinelli, Le condottiere rouge. Il évoque longuement le curieux commissaire Calabresi. L'auteur souligne d'abord que Calabresi a jadis collaboré au journal La Justicia, organe du Parti social-démocrate italien financé par les services américains. Duflo poursuit. Un confrère prétendait même qu'il avait signé en 1968, sous un pseudonyme, une série d'articles dans Momento Sera, journal romain appartenant à l'industriel pétrolier Monti, un des 2 ou 3 principaux financiers des activités néofascistes d'après-guerre. Singulier fonctionnaire, dont les fonctions ne semble pas se limiter à la simple recherche des coupables. À plus d'une reprise, la presse d'extrême-gauche a rappelé que l'homme qui avait interrogé l'anarchiste Pinelli la nuit du 15 au 16 décembre 1969 avait l'étoffe d'un honorable correspondant de la CIA. Affirmation plausible, mais comme toujours dans un tel cas, impossible à prouver. On s'est contenté jusqu'ici de signaler le stage qu'il a suivi en 1966 aux États-Unis dans le cadre d'un cours de perfectionnement relativement peu officiel. Une coïncidence. Il y a beaucoup de coïncidences dans la carrière de Luigi Calabresi. Des coïncidences qui ne laissent pas de renforcer la réputation qui l'entoure. En 1967, on l'a vu comme garde du corps et même comme accompagnateur officiel du général américain Edwin A. Welker en visite spéciale en Italie. Certains commentateurs avertis ont alors fait remarquer que l'on donnait beaucoup d'importance à ce jeune fonctionnaire et que l'importance de son rôle ne correspondait pas à son rang. De plus, certains journalistes avaient noté que Luigi Calabresi avait été l'intermédiaire entre Walker et le général Giovanni De Lorenzo, et que le lieutenant de Barry Goldwater avait eu, avec ce général d'extrême droite, de longs entretiens dans un discret appartement de la Via de Villa Sacchetti à Rome. CIA, extrême droite, l'accusation est claire, voyons ce qu'en pense Monsieur X. Si je vous ai bien compris, ce Calabresi est donc un policier lié aux néofascistes. Et aux services secrets italiens, dont nous savons aujourd'hui qu'ils ont été mêlés à la plupart des affaires troubles de ces dernières années en Italie, y compris les affaires mafieuses. Ouais. Mais le rapport avec Feltrinelli... J'y viens, mais un détail auparavant. Ce Calabresi est devenu gênant à son tour. Et 2 mois après la mort de Feltrinelli, on l'a oxy. 3 balles de revolver. Et pourquoi on... Il est évident que ce type en savait trop et qu'il ne fallait surtout pas qu'il parle. Bien sûr, on n'a jamais retrouvé son ou ses assassins. Mais le contraire eût été étonnant, non? Alors revenons à Feltrinelli. Vous avez dit qu'il avait quitté l'Italie donc à la suite de l'attentat de Milan. Oui, parce qu'il savait que Calabresi et d'autres policiers du même calibre voulaient profiter de cet attentat pour donner un grand coup de balai dans les milieux d'extrême-gauche italien. Et Feltrinelli, en raison de tout ce qu'il représentait, était forcément en première ligne. D'autant que l'Italie va entrer dans un véritable cercle infernal de violence. Violence gauchiste. Oui, mais il y a aussi des attentats comme celui de Milan, qui sont perpétrés par l'extrême droite afin de déstabiliser le pays et les institutions. Dans ces conditions, Feltrinelli a incontestablement raison de se mettre au vert. Mais vous le savez, il finira par tomber dans un véritable piège. C'est en effet en 1969 que l'Italie bascule dans la violence. Dans la revue Historia, René Sussan écrit « 1969, 625 attentats. L'Italie bouillonne. Ils sont innombrables, les mouvements, groupes, groupuscules, qui, dans le cadre de la sacro-sainte lutte anticapitaliste, se déchirent, se noyotent, se dénoncent, au nom d'une optique objective de leur combat. Le cercle du 22 mars, le groupe du 22 octobre, la justice prolétarienne, la brigade Dante de Nani, et à Milan, les brigades rouges et les brigades de Canossa, sans compter ce pouvoir ouvrier qui reniera Feltrinelli après sa mort en lui attribuant la paternité du GAP, le groupe d'action partisan, dont on ne va commencer à parler que l'année suivante. Justement, Quelles sont les activités de Feltrinelli pendant son exil? Toujours d'après Susson, l'éditeur voyage. Commis voyageur de la Révolution et chef d'un mouvement terroriste, le GAP, je cite à nouveau cet auteur. 1970 le voit à Beyrouth prenant contact avec le FPLP de Georges Habache. 1971 à Berlin, Amsterdam et Paris. Il est recherché mais dispose de multiples identités. Le GAP, lui, existe officieusement depuis septembre 1970. Il passe bientôt à l'action, cambriolage, attaque à main armée, enlèvement, assassinat. Mais, vous l'avez noté, M. X, lui, émet de sérieux doutes sur l'authenticité des activités terroristes de Feltrinelli. C'est le 15 mars 1972 qu'on découvre le corps de Feltrinelli. Il se trouve au pied d'un pylône d'une ligne à haute tension qui alimente en électricité la ville de Milan. On sait tout de suite qu'il s'agit du corps de l'éditeur ? Non, car on trouve des faux papiers dans ses affaires. Mais le commissaire Calabresi, encore lui, toujours, lui est très rapidement convaincu qu'il s'agit bien de Feltrinelli. Intuition. Allez savoir, Calabresi était bien, très bien informé. Il s'attendait donc, selon vous, à trouver le corps de Feltrinelli ? Je le crois, oui. En tout cas, Gian Giacomo sera assez vite identifié par ses proches. On a dit, si je me souviens bien, qu'il a trouvé la mort en essayant de faire sauter ce pylône électrique. C'est tout à fait exact. Quand on l'a retrouvé, il avait une jambe arrachée. Et il y avait à côté de lui des explosifs intacts et dans ses poches un détonateur et une bombe à main. Mais comment la police a expliqué l'affaire ? Des experts qui ont examiné les lieux et autopsié le corps ont donné la version suivante. Feltrinelli aurait escaladé le pylône afin d'y fixer une charge à 3 mètres de hauteur. D'autres charges ayant été préalablement installées au pied des pylônes. À cheval sur une traverse, il aurait d'abord manipulé le mécanisme d'horlogerie, mais il aurait fait une erreur et provoqué l'explosion prématurée de la charge. Tous ces conditionnels que vous employez semblent montrer que vous n'avez guère été convaincu par cette version. Non, en effet. D'abord, mais nous y reviendrons. Il semble que Feltrinelli n'ait pas été seul. Alors pourquoi est-ce lui qui n'avait rien d'un manuel et qui en outre était myope comme une taupe qui a été chargé de placer cet explosif à 3 mètres de hauteur? Il est vrai que c'est bizarre, mais au fond, Feltrinelli avait peut-être envie de se faire peur. N'exagérons pas, je veux bien admettre à la rigueur qu'il ait fait partie du commando, mais de là à jouer lui-même les artificiers, ça me paraît étrange. Autre chose, la bombe explose et lui arrache une jambe. C'est d'ailleurs l'hémorragie qui provoquera vraisemblablement sa mort, mais curieusement, son visage est intact, et ses mains également. Vous pensez que si l'explosion a eu lieu alors qu'il était en train d'installer la charge, il aurait dû avoir aussi les mains arrachées? Ça me semble logique, non? C'est en tout cas troublant, mais vous m'avez dit qu'il n'était vraisemblablement pas seul. Oui, une camionnette était garée à proximité du pylône, et des témoins ont affirmé qu'une autre voiture avait été vue dans le secteur. J'imagine que les enquêteurs s'intéressent de très près à cette camionnette et qu'ils la font, comme ils disent, ils la font parler. Exactement. À bord, ils trouvent un vêtement, un manteau de Lodenvert, je crois. Et puis, ils cherchent à savoir à qui appartient ce véhicule qui a changé de propriétaire à plusieurs reprises. Et finalement, les policiers dirigés par le fameux Calabresi débouchent sur la piste de l'homme qui a contracté une assurance pour l'auto. Un certain Fiorini. Qui c'est, celui-là ? Un personnage qui n'est pas inconnu des services de police, comme on dit. C'est un jeune professeur de littérature qui milite dans une organisation extrémiste. Pouvoir ouvrier. En outre, il est prouvé que le Lodenvert de la camionnette lui appartient. Encore plus fort, les faux papiers retrouvés sur Feltrinelli ont été établis au nom du directeur de l'école où enseigne Fiorini. Le type est donc rapidement appréhendé? Eh bien non. La police a bizarrement tardé. Quand enfin elle se décide à l'appréhender, l'oiseau s'est envolé. Mais son domicile est perquisitionné. On y trouve des armes, des explosifs et des documents sur la préparation d'attentats envisagés par le pouvoir ouvrier. Et même des papiers appartenant à Feltrinelli. Pensez donc que la fuite de Fiorino ne doit rien au hasard. Il est évident qu'on l'a laissé fuir. Mais ce qui compte, c'est qu'on trouve chez lui des indices permettant d'établir que l'éditeur était à la tête d'un véritable complot gauchiste. Manipulation. En tout cas, ça y ressemble. À noter aussi que 5 ou 6 jours après la mort de Feltrinelli, un étudiant, membre lui aussi de pouvoir ouvrier, se suicide. Ouais. Ça commence par faire beaucoup de morts. Hein. Et il y en a d'autres parmi les personnages qui tournent autour de cette affaire ou de l'attentat de Milan. Une étudiante gauchiste meurt dans un curieux accident de voiture. Un leader néofasciste est retrouvé noyé. Un avocat qui avait dénoncé la responsabilité de l'extrême droite dans l'attentat de Milan se jette par la fenêtre de la clinique où il se reposait. Sans compter l'assassinat du commissaire Calabresi. Une hécatombe. Oui, mais qui prouve qu'il ne fait pas bon posséder la vérité, ou même une parcelle de vérité. Ouais. Feltrinelli se trouvait en exil depuis l'affaire de Milan, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Sous la police, il est donc revenu en Italie où il était recherché, à seule fin de commettre cet attentat contre le pilote? Oui. Mais vous pensez qu'il s'agissait d'un piège? Encore, oui. Et quand on examine l'emploi du temps de Feltrinelli dans les jours qui précèdent, rien n'indique qu'il s'apprête à venir en Italie. Le lendemain du jour où il a trouvé la mort, il avait même rendez-vous avec sa troisième femme et leur fils afin de régler d'importantes questions juridiques. Vous imaginez donc qu'il n'est pas venu en Italie de son plein gré ? Je le crois. Ou alors on s'est débrouillé pour l'attirer à Milan. Une brève interruption dans ce récit. Quelques jours après la mort de Feltrinelli, le grand journal de Milan, le Corriere della Sera, affirmait que l'éditeur avait peur d'être assassiné s'il revenait en Italie. 3 semaines avant de mourir, il avait même indiqué le nom de 2 personnes susceptibles de le tuer. Le journal italien n'en dit pas plus. En tout cas, cette information, si elle est vraie, pose une question essentielle. Pourquoi Feltrinelli, qui avait quitté son pays depuis plus de 2 ans, est-il revenu ? Mais alors, selon vous, que se serait-il passé ? Feltrinelli, de son plein gré ou pas, franchit la frontière entre la Suisse et l'Italie. S'il n'est pas d'accord, c'est qu'on l'a enlevé. C'est ce que je pense, oui. Drogué, il est conduit à l'endroit où se trouvent les pylônes électriques et là, on simule un attentat raté. L'enfance de l'art pour des types expérimentés. Des hommes qui appartiendraient donc à un service action ? Naturellement. Je vous ai dit que les services secrets italiens étaient infiltrés. Et je vous le rappelle, car nous en avons déjà parlé à propos de l'affaire Aldo Moro, entre autres, qu'une véritable entreprise de subversion mine l'Italie. Mais c'est la loge P2, ça. Par exemple, et les réseaux Gladio. Toute cette nébuleuse financée par les services américains et qui visait non seulement à juguler le danger communiste, mais à noyauter tous les organismes du pouvoir. Au début 70, la loge P2 de Lucio Gelli est déjà toute puissante. Il était tentant de se débarrasser à la fois d'un personnage encombrant, Gian Giacomo Feltrinelli, mais aussi de dénoncer les gauchistes italiens. Ouais, on faisait d'une pierre 2 coups. Oui, mais on ouvrait aussi la boîte de Pandore, parce que la violence appelle la violence, et bientôt, ça sera l'engrenage infernal. Ouais, les brigades rouges. Bien sûr. C'est-à-dire l'émergence d'un vrai terrorisme d'extrême-gauche qui sera, à l'occasion, manipulé par les néofascistes ou la mafia. Telle est donc la version de M. Hess. Nombreux ont été ceux qui ont tenté de comprendre pourquoi l'Italie a connu une telle violence durant toutes ces années de plomb, comme on les a appelées. L'ancien leader de mai 68 en France, Alain Gesmard, a avancé une explication dans son livre « L'engrenage terroriste ». Elle mérite d'être citée. Le mouvement qui naîtra de la contestation étudiante de 1968 inventera des formes de lutte sociale qui rompent avec les traditions syndicales et pour cela mettra en branle 2 grandes traditions de radicalité. Celle des communistes pendant la guerre des partisans et celle, spontanée et facilement violente, des paysans du Sud déracinés et brusquement projetés dans les gigantesques usines de Turin ou Milan. L'ampleur et la détermination du mouvement dépassent de loin ce que connaît la France à la même époque. Et la violence y affleure d'autant plus aisément que la persistance de groupes néofascistes virulents et assez implantés entraîne inévitablement des affrontements politiques et militaires. Sans la stratégie de la tension pratiquée par les néofascistes italiens en étroite liaison avec une fraction des organes de sécurité et de la magistrature, on imagine guère comme le terrorisme d'extrême gauche aurait pu atteindre en Italie les proportions que l'on sait. Mais telle était la situation. Un puissant mouvement social de contestation face à des groupes fascistes, militairement actifs et assurés de complicité jusque dans les sommets de l'État. Qu'on ajoute à cela le souvenir de la facilité avec laquelle les fascistes avaient pris le pouvoir en 1922 et l'on comprendra mieux comment des milliers de jeunes militants ont pu choisir le parti armé. À samedi prochain. Et si vous voulez des informations supplémentaires ou apporter votre contribution à ce récit, je vous donne l'adresse internet des Rendez-vous avec X, peignot@radiofrance.fr.